Nerveux, Henri regarda l'hôtesse qui effectuait les démonstrations habituelles dans l'allée centrale. Gilet de sauvetage, masque à oxygène, évacuation d'urgence. Il détestait prendre l'avion et se demandait avec stupeur comment sa fille pouvait aimer piloter. Sauf que pour l'instant, Dieu merci, elle ne volait pas, trop accaparée par son travail à Purpan et par Pérol. À côté de lui, Adrien s'était plongé dans la lecture de son journal, indifférent au décollage. Henri ferma les yeux tout en mastiquant le chewing-gum, censé empêcher ses oreilles de craquer. Bon, le week-end était terminé, il avait fait son devoir. La prochaine fois, ce serait à Pascal de venir. Et ensuite, il trouverait des prétextes afin de ne plus remettre les pieds là-bas. Toute la nuit, il avait pensé à Camille. Et lorsqu'il s'était enfin endormi à l'aube, il avait rêvé d'elle. Camille couchée nue à côté de lui, douce et fragile, abandonnée, avec parfois une larme qui perlait entre ses cils. Même dans son sommeil, elle arrivait à pleurer. Quand il lui faisait l'amour, elle s'accrochait à lui comme une noyée. Oubliait-elle son chagrin dans le plaisir? L'appareil devait avoir atteint sa vitesse de croisière. Il semblait stabilisé. Henri risqua un coup d'œil par le hublot. Il n'y avait strictement rien à voir. À Pérol non plus, hier soir, il n'avait rien vu, tandis qu'il restait debout devant la fenêtre, à contempler le parc obscur, en se demandant pourquoi Lucien Lestrade harcelait sa fille. Avait-il quelque chose de précis à lui dire? Que savait-il du drame qui avait rongé les fontanelles à l'époque? Il ne pouvait concevoir que des doutes, échafauder des hypothèses, car jamais Camille ne se serait confiée à quelqu'un comme lui. Quoi qu'il en soit, Henri était décidé à lui téléphoner dès le lendemain. Plus question qu'il pointe son nez à Pérol, la page était tournée, il devrait le comprendre. Henri allait lui offrir de l'argent, une somme destinée autant à récompenser 30 ans de service qu'à acheter son silence, juste au cas où. Calant sa nuque contre l'appui-tête, il se demanda pour la millième fois de sa vie s'il avait eu tort ou raison. Une question dont il ne connaîtrait sans doute jamais la réponse, mais qui continuait de le hanter. Le chariot de boissons apparut dans l'allée centrale, poussé par l'hôtesse. Le vol de Toulouse à Paris était court. À peine avait-on le temps de finir son verre, qu'on était déjà en train d'amorcer la descente. Tant mieux. Plus vite Henri reprendrait son travail à la clinique, moins il se perdrait dans ses souvenirs. À Saint-Germain, l'ombre de Camille planait encore dans l'appartement, mais de façon moins aiguë qu'à Pérol. Heureusement pour elle, Pascal ignorait tout, et Henri ne laisserait pas Lucien Lestrade lui mettre la puce à l'oreille. Qu'elle profite de cette maison puisqu'elle l'aimait tant, et puisqu'il n'avait pas été capable de la dissuader. « À quoi penses-tu, papa ?» Adrien l'observait d'un air inquiet. Aussi Henri répondit-il la première chose qui lui passa par la tête. « Au prochain conseil d'administration. »« Ne t'inquiète donc pas, il n'y a aucun problème particulier. » affirma son fils en lui tapotant la main. Bien sûr que non. Les problèmes, il les avait laissés derrière lui, en quittant la piste de l'aéroport toulousain. Henri choisit un jus d'orange et consulta sa montre, pressé d'arriver, pressé d'oublier.